Jean Toussaint Sama. Sangar, taureau. À mon ami Folco, marquis de Baroncelli-Javon, pelot de la manade de la Marée au Sainte-Marie de la Mer en Camargue. C'eût été à vous, mon bon marquis, que ce livre aurait dû être dédié si l'infinie reconnaissance que je dois à mon père n'en avait exigé autrement. Vous n'en serez point jaloux, car je connais l'estime et l'affection en laquelle vous le tenez, et vous savez bien que vous passez tout juste après lui dans mon cœur. N'est-ce pas à vous, mon vieil ami, que je dois tout ce que je sais de la Camargue? N'est-ce pas vous qui m'avez appris à connaître nos chères bêtes et à guetter l'expression de leurs pensées sur leur physionomie, si expressive pour quiconque les aime et les fréquente de près? N'est-ce pas vous qui m'avez le premier conduit dans nos immenses étendues à la suite de vos taureaux de combat? N'est-ce pas contre votre étrier que le mien a si souvent sonné joyeusement dans le fracas des abrivades et des bandides ou au long de nos interminables voyages sur les routes ensoleillées de notre beau pays? N'est-ce pas vous qui m'avez mis dans les mains le trident aigu de nos gardiens et m'avez montré comment on arrête net l'élan d'un grand taureau furieux ou le coup dont on jette au sol un anouble meuglant? N'est-ce pas vous qui m'avez enseigné les launes et les gaz de Camargue et les endroits où l'on passe le Rhône et ceux où le sable est mouvant et à reconnaître les herbes sûres de celles qui cachent les laurents perfides? N'est-ce pas vous qui, peu à peu, petit à petit, au travers de mon adolescence, avez gravé dans mon cœur l'immense et profonde poésie de notre pays, son âme et celle de ses habitants, hommes et bêtes? N'étiez-vous pas le maître de Sangar? Et n'étais-je pas près de vous pour applaudir à ses exploits, soutenir ses rudes charges et pleurer sa mort? De tout cela, mon bon marquis, je vous suis et vous resterez toujours reconnaissant infiniment. Comme vous avez collaboré avec mon père à former mon esprit aux choses de chez nous, acceptez de partager avec lui la dédicace de ce livre qui vous doit tant. Soyez mon interprète auprès de tous, vos amis et les miens, gardiens, pâtres, pêcheurs et chasseurs de chez nous, trop nombreux pour les nommer tous, envers qui j'ai telle reconnaissance pour leur affectueuse sollicitude et leur rude amitié. Auprès aussi de nos amis de Languedoc, les rudes cavaliers à la langue sonore qui vont aux taureaux avec tant de passion comme leurs ancêtres à la guerre, ont foi en notre pays et en ses coutumes ancestrales avec qui j'ai chevauché dans la poussière ensoleillée au milieu du tumulte des abrivades, des cris des cavaliers, des hennissements, des poneys échevelés et parmi l'âcre odeur de nos grands bœufs de combat. Jean Toussaint Sama. Sangar, taureau. Au lecteur, ceci, mon bon ami, n'est pas un conte, mais une histoire. C'est l'histoire de Sangar, le grand taureau de Camargue. Il naquit un jour sous les chaudes caresses de notre bon soleil de Provence, vécut sa noble vie de grand fauve dans les marais et dans les pâturages, combattant au milieu des arènes pour la gloire et l'honneur de sa cocarde, sur la manade pour son orgueil et ses amours, et s'en fut mourir dans le bleu de la Méditerranée, emporté par le Rhône implacable. Le puissant fleuve entraîna le taureau au milieu de la mer immense et l'y noya. Cela lui arriva un jour qu'il avait quitté sa terre natale pour s'en aller au loin chercher l'ombre et le bonheur. Pauvre fou! Mais la Méditerranée ne voulut pas garder à jamais sa pitoyable dépouille et un jour de tempête, une énorme vague rejeta sur la place des Saintes-Marie de la mer l'os de son crâne décharné mais toujours armé de ses cornes formidables. Je l'ai pieusement recueilli. Maintenant il est là, au-dessus de la porte. Le soleil a desséché et blanchi l'os qui semble d'un bel ivoire, et ses rayons mettent un petit éclat à chaque pointe des cornes polies. Mais quand le mistral souffle en rafale, en hiver ou à l'automne, alors que le ciel est si bas qu'il semble vouloir écraser la terre et que les nuages se déchirent aux toits aigus des cabanes, quand le Rhône écume, quand la Méditerranée gronde et que ses vagues sombres luttent et se cabrent contre les vagues jaunâtres du courant, si vous entendez monter, du sein des eaux furieuses, une plainte sourde et puissante comme le râle immense d'un fauve mourant, signez-vous. C'est l'âme de Sangar qui passe en mugissant. Et c'est, mon bon ami, l'histoire de cette pauvre âme qui erre en faisant frissonner nos toits de chaume et en tordant nos tamaris, que je veux vous conter afin que notre beau Sangar, le grand taureau de Camargue, ne soit pas mort tout à fait à jamais. Lisez-la. Peut-être, lorsque vous aurez terminé ce livre, aimerez-vous un peu le noble fauve, la grande brute qui avait tant d'orgueil, tant de puissance, tant de bonté, une si grande confiance en sa force et une si admirable naïveté. Quand vous l'aurez achevé, ce pauvre volume, ne jugez pas mal, je vous prie, Sangar, ni ses camarades, nos simples et fières bêtes de Provence, ni ceux qui les aiment. Souvenez-vous qu'ils sont d'un pays où le soleil est bon et chaud, les herbes savoureuses, les cabridelles et le thym parfumé, où les grands pins noirs dressent leurs silhouettes sombres au milieu d'un ciel de cobalt et que le mistral secoue tout entier de son souffle formidable. Peut-être alors compatirez-vous à leur faiblesse. Vous ne tarderez pas à les comprendre et même vous deviendront-elles sympathiques, ces humbles bêtes, et finirez-vous par les aimer. Alors peut-être aussi vous demanderez-vous s'il n'y a pas une affinité profonde entre nos grands taureaux, derniers descendants des races sauvages de nos palins et de nos forêts, petits-fils lointains de nos vieux aurochs et nos gardiens, nos bergers, nos marins et nos paysans provençaux, derniers survivants d'une belle race qui disparaît, comme l'herbe qui meurt lentement dans les campagnes lorsque l'eau bienfaisante vient à lui manquer. L'hymne de la coupe sainte, Cupo Santo, le dit. D'un vieux peuple fier et libre, nous sommes peut-être les derniers. D'une souche qui revit, nous sommes peut-être les rejetons. Sangar et Larlatène, Tamaricio et Calendao sont les descendants, eux aussi, des libres races sauvages qui enterrent nos grands bois de chêne, nos grasses plaines et nos vastes étendues arides de sable et de cailloux. C'est pour la splendeur naïve de leurs réflexes, c'est pour la loyale sincérité de leurs erreurs qu'il faut les aimer, car ce sont comme les derniers éclairs d'une lampe qui s'éteint, faute d'huile. Tous, hommes et bêtes de Provence, du haut de nos montagnes neigeuses, du cœur de nos forêts de chênes énormes au travers desquels bondissent les torrents, jusqu'au fond de nos vastes palins et sur nos sables marins, ils ont tous, en eux, un peu de la grande âme de Sangar qui, si souvent, vient passer sur eux en mugissant et en faisant voler, dans les chauds rayons de notre beau soleil, des fleurs d'amandier, des aiguilles de pin et des feuilles de chênes et de lauriers qu'elle arrache dans sa course effrénée. Fin de la dédicace au marquis Folco de Baroncelli-Javon et la préface pour le lecteur de Sangar Taureau.